Bien, merci à tous et à toutes d'avoir répondu à notre appel. L'assassinat ce lundi de 5 journalistes s'ajoute à cette liste de 202 journalistes répertoriés par le syndicat palestinien et rajoute encore un peu plus à l'horreur. Merci aux 7 organisations de journalistes nationales, francophones, néerlandophones, européennes et internationales d'avoir soutenu cette initiative sans la moindre hésitation. Tout cela s'est fait en 24 heures. Oui, je vais essayer de parler encore plus fort. Donc je disais merci à 7 organisations de journalistes nationales, francophones et néerlandophones, européennes et internationales d'avoir soutenu cette initiative sans la moindre hésitation. Tout ça s'est fait en 24 heures. Nous sommes réunis aujourd'hui, non par choix, mais par nécessité, par devoir. Un devoir de mémoire, un devoir de vérité et surtout un devoir de résistance. 218 journalistes, nos confrères, ont été assassinés à Gaza. 218 reporters de guerre, dont le seul crime fut de faire ce que nous faisons chaque jour. Témoigner, raconter, montrer, transmettre la vérité au peuple de ce monde. Et rappelons que la presse internationale est interdite d'accès à Gaza depuis le début des hostilités, contraignant les médias étrangers à travailler exclusivement à partir de témoignages locaux et d'images fournies par ces journalistes gazaouis et quelques humanitaires présents sur place. Leur assassinat n'est pas une bavure, c'est une stratégie dans le cadre d'un génocide planifié et exécuté sans le moindre état d'âme. C'est l'État d'Israël et son premier ministre Benjamin Netanyahou et son gouvernement suprémaciste d'extrême droite qui sciemment, méthodiquement, ont choisi de réduire ses voix au silence pour empêcher que la vérité ne franchisse le mur du blocus. Oui, c'est un État qui mène une guerre contre la presse, qui commet des crimes de guerre en visant ceux et celles qui racontent ces crimes. Ce sont des journalistes, des civils, qui sont délibérément ciblés pour tenter de priver le monde de leurs témoignages, de leurs images, et ainsi d'effacer l'histoire. Aujourd'hui, nous allons honorer la mémoire de ces 18 journalistes palestiniens assassinés à Gaza. Chaque nom que nous prononcerons aujourd'hui est une vie fauchée, une voix muselée, une vérité qu'on a voulu taire par le sang. C'est une attaque directe, non seulement contre les journalistes palestiniens, mais contre la liberté d'informer, l'un des derniers remparts contre la barbarie et le mensonge. Ces journalistes ont payé de leur vie l'exercice de ce droit sacré. Ils n'étaient pas des combattants, ils n'étaient pas des cibles légitimes, ils étaient des témoins, dont le seul crime fut de filmer, d'écrire, de montrer au monde la réalité d'un peuple bombardé, affamé, humilié. Les tuer, c'est proclamer haut et fort la volonté d'étouffer toute trace des crimes perpétrés en Palestine et d'éradiquer la mémoire du génocide en cours. Mais nous tous, journalistes d'ici et d'ailleurs, nous sommes là pour dire non. Non à l'impunité, non au silence, non à la complicité. Nous ne pouvons pas nous taire face à ce massacre ciblé contre la presse, car à chaque fois qu'un journaliste est tué à Gaza, c'est la presse mondiale qu'on frappe, c'est la démocratie qu'on poignarde, ce sont nos propres droits que l'on assassine. Et que voyons-nous? Le silence assourdissant, l'immoralité calculée des gouvernements occidentaux qui détournent les yeux, qui justifient, qui couvrent, et n'ose prendre aucune sanction pour de soi-disant raisons indéfendables. Cette passivité-là, cette neutralité feinte est une complicité objective. Car ne pas dénoncer, ne pas sanctionner, c'est donner le feu vert au bourreau. Et l'histoire retiendra ce silence, et les générations futures nous demanderont « Où étiez-vous ?» Aujourd'hui, notre colère est immense, mais elle n'est pas vaine. Elle est un appel à la solidarité entre tous les journalistes, de Gaza à Bruxelles, de Rafah à Paris, de Khan Younes à New York. Un appel à rompre le silence, un appel à faire corps pour que plus jamais l'assassinat d'un journaliste ne soit réduit à une statistique. Notre métier n'est pas seulement d'informer, il est de défendre le droit des peuples à connaître leur histoire. Et ce droit-là, aucun État, aucune armée, aucune propagande ne peut nous l'arracher. Ces 218 journalistes assassinés nous obligent. Leur mémoire nous oblige. Leur dignité, leur courage, leur sacrifice nous obligent de faire de nos claviers, de nos micros, de nos caméras, des armes de vérité et de faire de nos voix des boucliers contre le mensonge et d'appeler sans détour les organisations internationales à leur rendre justice, car ces crimes, comme tous les autres commis à Gaza et en Cisjordanie, ne peuvent rester impunis. Alors, que chaque nom prononcé ce jour soit une promesse de lutte, de justice et d'inlassable témoignage. Parce qu'on peut tuer un journaliste, mais on ne peut pas tuer la vérité. Merci à vous. Notre ami et collègue du syndicat des journalistes palestiniens venu de Ramallah, Youssef Kader Habash. Merci Youssef. I would like to send our grateful for all of you to be here today, from our journalists on the ground in Gaza, each place in Gaza that they are working to bring you the photo and the video and the story, what's going on in this genocide, in this kind of world that we are defending human rights, all of us, and the journalist part of this, we send you our salute, we send you our thank to be here. Yes, it takes 2 years that this movement, even with the journalists, take place, but it's okay that it's coming now, and nevertheless. We are here also not only to speak about what's going on in Gaza, because each one of us knows this. We are here to tell the EU that we are here in Brussels, in the capital of the EU, that they are participating in the genocide and that they are killing the journalists also. We said from the beginning, from the 8th of October, that there is a targeting against the journalists. There is a genocide in Gaza. Our people are killing every day and in front of every people, in front of all the world. We were asking just to make ceasefire. We are asking just to bring the international media to Gaza, to break the siege on Gaza. Our people and our journalists need to live in a suitable way. They need to have a good way of living to make the good work that they are doing now. Yes. We say it in front of all the EU members, we say it to the member state, we say it for all the world. Our journalists are defending the human right in this world. Our journalists are paying the price. They are killed every day. Yesterday we lost 6 journalists. They were working and they've been targeted near the hospital, directly where they are doing their work. Each one of you saw this. And for that we say we want this occupation to end. We want to stop the genocide and the killing of the journalists. I will not make a long speech because it's clear what's going on in Gaza. Just I want to make initiative that we are deciding it in the European branch of the Journalist Syndicate Palestinian, that we're working how to work together to break the siege of the international media to enter to Gaza. And we are thinking also with the IFG and with the other syndicate to make a boat to enter to Gaza in the coming, let's say how it will work with us in the coming days, or in 1 month or maybe more. So we will welcome all the initiative to be with us in this, that we will have a boat to enter to Gaza. We hope there will be ceasefire and then we could enter all of us from Rafah. The last thing also to show that, yes, we are asking the international media to access to Gaza. but not under the hand of the Israelis. And this is very important to know that they are maybe will open the border and to make you coming, just to show their story. Yes, we know that many of the media in the beginning, they took the stories of the Israelis, but we know that the blood we paid, now it's making the change all over the world. And the Palestinians, they are coming back as defenders of this human right. The Palestinian journalist Sandika reaffirmed its commitment to continue working with all international human rights and journalistic bodies to seek protection for journalists from the crimes of the occupation, ensure accountability and justice, and to stop the Israeli genocidal war against Palestinian journalists and the press, during which the Israeli occupation has committed the largest massacre of journalists in history. 246, as the BGS syndicate had said, that we have 246 journalists being killed. We have 115 media associations being destroyed. We have more than 800 families being killed for the journalists. So all this work that is going in Gaza, it shows that they don't want a story, they don't want reality to be shown to, and for this they're targeting the journalists daily by daily life. Thank you again, and big hugs from Palestinian journalists in West Bank also, that they are suffering the same time as in Gaza. So from Gaza, from West Bank, from Jerusalem, from Palestine, we thank you all. Merci, on va continuer avec la dernière prise de parole avant la lecture du nom de ces journalistes assassinés. Et c'est donc Anthony Bélanger de la Fédération internationale des journalistes qui s'adresse à nous tous. Bonjour à toutes et à tous. Je dois vous avouer que ça me fait plaisir de voir autant de monde. Ici même, à Bruxelles, on a organisé pas mal de rassemblements avec nos différentes organisations membres. Et je dois vous avouer que parfois, on se sentait un peu seul. Et mieux vaut tard que jamais. Je vais vous montrer un visage qui a fait le tour de la planète. Il s'agit du visage du journaliste d'Al Jazeera, Anas Al-Sharif, qui était sur tous les écrans du monde. Le 10 août dernier, Anas Al-Sharif a été assassiné. Et vous l'avez vu partout, même avec ses enfants, photos avec ses enfants. Anas était membre de notre syndicat, le Palestinian Journalist Syndicate, qui est représenté aujourd'hui par Youssef pour la branche européenne. Et évidemment, il était membre de notre Fédération internationale des journalistes, la FIJ. 5 jours plus tôt, Anas était à Gaza. Il inaugurait notre centre de solidarité, le 3e centre de solidarité que nous avons monté pour les journalistes dans la bande de Gaza. Et il était là, il était interviewé. On a évidemment transféré cette vidéo. Et malheureusement, Anas, ça fait partie des journalistes qui ont été massacrés le 10 août, donc 5 jours après. En novembre 2023, Anas nous laissait un message, à nous, à la Fédération internationale. Je le laisse message, j'ai sa voix. C'est toujours difficile d'entendre une voix d'un confrère ou d'une consoeur qui a été massacré, assassiné, mais j'ai envie de vous la passer. Il parle en arabe, bien sûr, mais je vais vous donner la traduction, pardon, en français un petit peu, juste avant. Il disait « Je suis honoré d'avoir reçu votre soutien ». C'était ça, le soutien. On a publié des posts sur Facebook et Instagram pour dire qu'il était menacé, qu'il fallait que ça cesse. Honoré de la publication d'un poste destiné à prévenir que je peux être visé à tout moment. Je continue, dit-il, jusqu'à présent à couvrir les crimes de l'occupation dans le nord de la bande de Gaza. Je n'ai pas quitté cette région et je ne la quitterai pas tant que je n'aurai pas révélé tous ces crimes. Je vais essayer de vous passer ces quelques secondes juste à travers Anas. On va parler des 219, parce que malheureusement on n'est plus à 218, on est à 219 journalistes depuis hier soir qui ont été assassinés dans la bande de Gaza. J'espère que ça va passer. C'était Anas. Et le minimum qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de lui rendre hommage à lui, mais aussi aux 218 autres qui ont été assassinés depuis le 7 octobre 2023. Depuis 22 mois, donc, la FIJ et le PJS, la Fédération internationale et le Palestinian Journalist Syndicate, documentent tous les assassinats contre les journalistes à Gaza. Ce midi, donc, comme je disais, on en compte maintenant 219 et plusieurs centaines de blessés. Ça fait quasiment 10 journalistes par mois qui ont été assassinés. Un peu plus de 2,5 par semaine, entre 2 et 3 par semaine. Hier encore, 6 d'entre eux ont été visés et assassinés dans l'hôpital. Vous avez tous vu ça, la double frappe. Encore un crime de guerre, encore des familles endeuillées, encore des enfants orphelins. Le droit international de la guerre est précis et l'armée, quelle qu'elle soit, a des devoirs. On ne vise pas un hôpital. On ne vise pas une école, on ne vise pas les journalistes. Le gouvernement israélien est encore une fois responsable de crimes de guerre et son Premier ministre, Benjamin Netanyahou, devront personnellement rendre des comptes pour ces crimes devant les juridictions internationales. À Gaza, jour après jour, on repousse un peu plus les limites de l'horreur. La diplomatie internationale et la diplomatie de façon générale est aujourd'hui en faillite. La communauté internationale n'a jamais été aussi faible. Je pense même qu'on ne peut même plus utiliser le terme de communauté internationale tellement il y a des divisions. Et malgré nos appels, l'impunité qui protège Israël, elle reste la norme. Le gouvernement continue de violer toutes les résolutions des Nations Unies et interdit aux journalistes étrangers d'entrer à Gaza, comme vous le savez. Depuis 22 mois, ce sont nos membres qui informent le monde entier. Les membres de la Fédération internationale et du PJS. Même si la propagande israélienne tente de nier leur travail et de nier leur statut de journaliste, tente de les réduire au silence, nos consoeurs et nos confrères travaillent dans des conditions infâmes sur place. N'oublions pas nos morts, n'oublions pas ceux qui continuent de nous informer. Je veux terminer ici en rappelant que la FIJ poursuit ses appels aux dons pour nos journalistes via l'International Safety Fund. Vous trouvez tous les détails sur le site de la FIJ. Et ces fonds qui arrivent de partout, et essentiellement de nos syndicats, servent et sont redistribués intégralement à notre syndicat, le PJS, à travers Ramallah. Je vais aussi rappeler, enfin, qu'il est urgent que les Nations Unies votent la Convention pour la sécurité et la protection des journalistes de la Fédération internationale des journalistes. Une convention qu'on a lancée il y a quelques années avec l'ancien président de la Fédération internationale, Philippe Le Rude, qui est ici et que je remercie, et dont le travail est poursuivi aujourd'hui par notre actuelle présidente Dominique Pradallier, qui arrive de Paris. Et on attend depuis des années que les États membres des Nations Unies se mobilisent pour que cette convention qui doit protéger les journalistes, qui est prête, on a fait un lobbying énorme et on continue à le faire, partout au niveau des diplomaties mondiales auprès des Nations Unies, que ce soit à New York ou à Genève, pour que cesse enfin l'impunité qui protège les assassins de journalistes. Et il n'y a pas qu'Israël, malheureusement, dans ce cas-là. Je vous remercie. Nous allons donc commencer la lecture des 219 noms, pardon, et je vais présenter les personnes une par une. On va commencer par celui qui a organisé ce rassemblement aujourd'hui. Une fois encore, merci vraiment infiniment Thierry. Thierry Michel, qui va commencer. Merci. Mohamed Al-Sali, Ibrahim Lafi, Mohamed Jargoun, Assad Samlak, Salam Meima, Youssef. Saïd Tawil, Mohamed Sawah, Hisham Nawaj, Mohamed Faiz Youssef Abu Matar, Ahmad Shihab. Renate Schroeder, directrice de la Fédération européenne. Oussam Moubarak, Youssef Dawas, Abdul Hadi Habib, Mohamed Baloucha, Izam Bahar. Moi-même pour la Fédération internationale, Abdel Harna Haltanani, Samir Halnadi, Halil Abu Hatra, Mohamed Abu Hali, Hani Madroun, Sarah Frère, présidente de l'Association des journalistes professionnels. Rojdi Sarraj, Mohamed Imad Labad, Taznim Bkit, Zaher Al-Afghani, Salma Moukaimar. Je vais te présenter. Dafida Al-Lago, de l'Association de la presse internationale. Ahmed Abu Mahdi, Saïd Al-Harabi, Jamal Al-Fakawi, Mohamed Fayez Al-Hassani, Doua Sharaf. Charlotte Mitchells, de la branche flamande. Merci beaucoup. Yasser Abu Namos, Nazmi Al-Nadib, Ahmad Wahidi, Masht Kashkou, Masht Fadl Arandas. Lucie ? Non, Lucie n'est pas là. Iyad Matai, Mohamed Bayari, Mohamed Abu Hatab, Mohamed Al-Jayyeh, Mohamed Abu Hassir. Sarah Lewis, de la National Union of Journalists, la branche de Bruxelles. Yahya Abu Mouni, Ahmed Al-Kara, Moussa Al-Bash, Ahmed Fatmar, Yacoub Bersh. Gwen Bress. Mahmoud Matar, Abdelrahim Hawad, Hassouné Islim, Sari Mansour, Amrabou Aya. Salwa Boujour. Mustafa Assawaf, Moussaïb Achour, Bilal Jadallah, Khamis Salem Diab, Ayat Al-Khaddoura. Fabrice Grosfilet. Jamal Agné, Hassem Al-Barsh, Mohamed Nabil Al-Zak, Mohamed Moine Ayash, Mustafa Bakir. Sabine Rignolem. Amal Zaed, Nader Al-Nazli, Adam Asuna, Marwan Al-Sawaf, Muntasser Al-Sawaf. Michel Vizard. Abdallah Darwish, Hamada Al-Yerziji, Hassan Farajala, Sheima Jazar, Doua Jabour. Colette Brackman. Mohamed Abu Samra, Ala Atala, Narmin Kawas, Abdul Karim Ode, Samer Abu Dakar. Mateus Kukulka. Hassem Kamal Moussa, Hanin Ali Al-Kashtani, Abdallah Al-Wanani, Mohamed Nasser Abu Weidi, Ahmad Jamal Mardoun, Lucie Kowe. Mohamed Saidi, Mohamed Abdul Halek Al-Houf, Houtifa Loulou, Mohamed Alif, Mohamed Azatounia, Udorze. Mohamed Kair Haldin, Hamad Kair Haldin, Yaber Abou Edrous, Akram Al-Shafi, Mustafa Touraya. Anne-Sophie Lorca. Hamza Al-Dadou, Eba Al-Abdallah, Sharif Okacha, Ahmad Bder, Mohamed Jamal Sabahi Al-Talaïtini. Josie Dubier. Yazan Al-Zubedi, Iyad Ahmed Al-Rouahi, Tariq Al-Maidana, Mohamed Abdel El-Fattah Atta'Halla, Nafez Abdel Jawad, Sarah Saadi Garcia. Yasser Mamdou El Fadi, Anram Ahmed Adwan, Allah El Hams, Zaid Abou Zayed, Mohamed Yahi. Baudouin Loss. Ibrahim Mahadi, Mohamed Khader Hamad Salama, Mohamed Al Rifi, Abdel Rahman Saima, Mohamed El Sayed Abou Shkhay. Wahoub Fayoumi. Saher Akram Rayan, Tarek Sayed Abou Shakil, Mohamed Abou Shakil, Mustafa Bahr, Mohamed Bassam Jamal. Olivier Bailly. Ayman Al-Garbaoui et son frère Ibrahim Al-Garbaoui, Salem Abou Toyour, Mustafa Ayad, Baha Akasha. Anne-Sophie Brundant. Aïl Al-Najjar, Mahmoud Jarjo, Ola El-Dardou, Rachid El-Belbi, Mohamed Abou Sharia. Jean-Pierre Borloo. Mohamed Al-Sakni, Adib Soukar, Saadi Madou, Risk Abou Sakian, Wafa Abou Dabar. Manon Legrand. Amjad Al-Jajou, Mohamed Manal Abou Armana, Mohamed Meshmesh, Mohamed Abou Jasser, Mohamed Majid Abou Dakar. Gianpaolo Accardo. Rami Al-Rifi, Ismail Al-Ghoul, Mohamed Issa Abou Saada, Abdullah Al-Soussi, Tamim Muammar. Sunchin Courir. Ibrahim Mouhareb, Hamza Murtaja, Ossam Manal Al-Dabaka, Ali Taïma, Mohamed Abeb Rabo. Gaël Turine. Wafa Aloudaidi, Nour Abou Owemer, Abdul Rahman Bar, Hassan Hamad, Mohamed Al-Tanani. Martine Van de Meulebroek. Anin Mahmoud Barout, Hamza Abou Salmiya, Saed Radwan, Amr Abou Rodel, Bilal Mouhamad Khaja. Marco Appel. Sarah Avouchkel, Hamed Avouchkel, Madi al-Mamluk, Mohamed Saleh al-Sharif, Hamed Abu Sharia, Gilles Tonissen, Mamdou Kouneita, Maïsara Salah, Iman El-Shanti, Mohamed Baaloucha, Mohamed Jaber al-Kerenaiwi, Wilson Fash, Ahmad Al-Lou, Mohamed Al-Sharafi, Ayman Al-Jadi, Faisal Abu Al-Kumsman, Mohamed Al-Lada, Françoise Wolmak, Ibrahim Al-Sheikh Ali, Fadi Asuna, Hassan Al-Kiwashi, Ali Shahin, Omar Al-Darawi, Colin Delfos, Saïd Abu Laban, Mohamed Al-Tamas, Hamed Al-Shaya, Ahmed Hessian Abou El-Rous, Akel Hussein Saleh, Céline Gauthier, Mahmoud Islim Al-Bassos, Mohamed Mansour, Hossam Shabbat, Hilmi Al-Fakawi, Hamed Mansour, Benoît Feit, Fatima Hassana, Nour Eldin Abdo, Yahya Soubaï, Hassan Asli, Ahmed Al-Helou, Candice Bussoli, Hassan Samour, Abdul Rahman Taoufik Al-Abdallah, Aziz Al-Adjar, Hassan Maji Abou Warda, Moataz Mohamed Hajab, Maxime Kouvaras, Samir Adrifaï, Ismail Bada, Suleiman Hajjaj, Mohamed Abou Al-Houf, Ahmed Kadja, Anik Ouvine, Ismaël Abou Hatab, Tamer Rabi Rafik Al-Zahanin, Wala Al-Jabari et son bébé, elle était enceinte, Adam Abou Harbid, Ibrahim Mahmoud Hajjaj, Jérémy Mambou, Anas Al-Rashif, Mohamed Noufal, Mohamed Aliwa, Ibrahim Zahir, Mohamed Krekel, Alexandre Nyungeko, Mohamed Al-Kardi, Marwa Ashlaf Mishlam, Mohamed Mustafa Al-Mardou, Ahmad Abou Aziz, et enfin, Dominique Pradalier. Moaz Aboutaha, Mariam Aboudeka, Mohamed Salama, Hossam Al-Masri, Hassan Dohan, je vous demande en hommage à LGE de garder une minute de silence. Je vous remercie. Merci à tous, vous étiez vraiment très nombreux. On n'a jamais imaginé qu'il y aurait une telle mobilisation. Nous venons de prononcer ces 218 noms. Ils ne sont plus parmi nous, mais ils continuent de témoigner à travers nous. C'est le but de cette cérémonie. Nous faisons le serment de porter leur voix et de ne jamais céder au silence. Mardi prochain, après cette lecture aujourd'hui du nom des journalistes, le monde culturel francophone se mobilise pour lire le nom des 15 000 ou 16 500 ou 18 000, on aura la liste précise normalement d'ici là, noms d'enfants assassinés à Gaza. Il y aura de très nombreux lecteurs, on espère 140 lecteurs, qui chacun diront au minimum 50 noms. Ça commencera devant la Monnaie, donc mardi 2 septembre, à 10h, et ça ne se terminera pas, à mon avis, avant 19h. Vous êtes bien sûr conviés. Normalement, c'est les acteurs culturels qui vont s'exprimer des différentes disciplines. Ils sont déjà nombreux à s'être inscrits, donc je pense, mais on peut être très nombreux avec eux pour eux aussi cette commémoration, non plus des journalistes, mais de l'enfance sacrifiée de Gaza. Merci beaucoup à tous et bon après-midi.